On va faire le tour du Canada hier. Quelle victoire! Un match historique avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Salut Benoît! Salut Danny! Oui, grande victoire pour le Canada! Ouais! Hey! Moins 16! T'en as vu des matchs de soccer? Dans ta vie, c'était-tu plus froid que t'as vu? Ah là, je pourrais pas te dire, Danny. J'ai pas cette information-là, mais effectivement, moins 16 avec la neige sur le terrain. Quel match! Quelle énergie! Quel enjeu physique aussi, là. Ouf, c'était assez intense comme match. On pensait que les Mexicains n'allaient pas s'en sortir, mais ils ont quand même pas... Ça a passé proche en maudit. Le gardien du Canada, Boram, a fait un arrêt clé à la toute fin, parce que dans les minutes ajoutées, là... Oui, dans les arrêts de jeu, Boram a sauvé le match, parce que, oui, on avait contrôle, on maîtrisait le Mexique à 2-0avec les buts de Kyle Lauren, deux beaux buts. L'entraîneur Randman a décidé de laisser Jonathan David sur le côté à la place de Kyle Lauren, qui en passant est très tannant à l'attaque. Il a marqué les deux buts du Canada sur le premier but, un retour de jeu. Et par la suite, dès le début du match, Danny, on a vu là, que ça allait être très physique là, avec Henry qui a eu un carton jaune. Il a ramassé Danny, un Mexicain, là, un gars a dû tomber sur du béton. Mais c'était intéressant de voir ça, le terrain en piteux état, bien entendu. Mais moi, j'étais surpris. Je pensais que Samuel Pitt allait embarquer en fin de match dans les 15-20 dernières minutes au niveau défensif. On ne l'a pas embarqué. Peut-être que c'est une erreur parce que ça a permis aux Mexicains de revenir. Il a peut-être manqué d'énergie pour les joueurs canadiens défensivement. Et oui, comme tu l'as mentionné, Danny, gros arrêt de Boyan sur la ligne de but. On aurait pu se terminer avec un match nul. Et j'ai hâte de voir, Danny, si l'entraîneur argentin, Tata Martino, ne sera pas limogé. On parlait de ça dans les... c'est apparemment que dans la presse mexicaine, il est blâmé énormément. Là. Ben, tu sais, il a fait deux défaites consécutives. Il vient de perdre contre les Américains, contre le Canada consécutivement. Mais si je te ramène un peu en arrière cet été, les Mexicains ont perdu en finale de la Gold Cup. Ouais. Et pour le Mexique, qui n'ont jamais remporté une Coupe du Monde, perdre dans la Gold Cup, c'est une grande défaite. Donc, j'ai l'impression qu'après les fêtes, on risque d'avoir un nouveau sélectionneur avec le Mexicain, mais pas confirmé encore. Mais allons-y plutôt sur le côté positif de la chose. Une victoire après 21 ans, Danny, qui nous amène en première position. Incroyable! Qui aurait dit ça? Hein? Qui aurait dit ça? Benoît, donc oui, Alfonso, avant de parler de ce qui s'est passé, avec ce qui va se passer après les fêtes, Alfonso Davies n'a pas été un facteur dans ces deux matchs-là. Non, mais c'est sûr que lui, il voulait en donner plus. Surtout le match contre le Costa Rica, il en a donné beaucoup. Parce que c'était à Edmonton, hein. On sait qu'il a fait son soccer jeune à Edmonton, pas très longtemps, mais quand même, c'est là qu'il a passé. Il a vécu à Edmonton. Surtout contre le Costa Rica, il était partout sur le terrain. Je crois que Hernan le recadrait un petit peu pour lui donner un endroit où jouer. Mais il était marqué. Les Mexicains l'ont bien joué. Les Mexicains ont une belle sélection, une belle équipe quand même. Sur le classement FIFA, Danny, le Mexique est 9e. Tu sais, je veux dire, c'est une équipe, c'est une sélection qui, Coupe du Monde après Coupe du Monde, est toujours présent. Et probablement qu'ils vont être là encore l'année prochaine au Qatar. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Canada termine dans les trois premières positions. Donc, c'est ça qui est important. Match de barrage, là, qui pourrait être. Donc, c'est ça qui est important. Oui, le match de barrage. Puis quand tu regardes ça, ben, le Canada a 2 points d'avance sur le Panama, qui est 4e. Le Mexique est là aussi. Là, ce qui est important, c'est de le Costa Rica prendre l'écart un petit peu en 5e place avec 9 points. Donc, les matchs après les fêtes, j'ai hâte de voir. C'est pas été annoncé. Le match contre les Américains, je crois, n'a pas été annoncé. Soit à Vancouver. Ben, on pourrait-tu avoir un match à Montréal, Danny? C'est une grande question. Je pense que ça va être plus BC, please. Ou Toronto. Fin janvier, moi, je pense que ça va être dans un stade couvert, là, où on penserait pas que ce soit à Toronto. Moi, je dirais BC Place à Vancouver ou Montréal, mais on sait qu'avec le retrait de Montréal à la Coupe du Monde, quoique Vancouver n'est pas là non plus. Donc, on peut peut-être avoir un match à Montréal, mais fin janvier, où est-ce que il fait plus chaud? Je sais pas si on veut se déranger les Américains comme les Mexicains. Je croirais que non, mais à voir. Rogers à Toronto? Le stade Rogers, c'est le stade du FC Toronto, ça? Non, c'est le stade des Blue Jays. Il y a un stade, il y a déjà eu des matchs là. Moi, je pense que ça va être là. Je verrais pas pourquoi ça serait pas là, tu sais, à quelque part. C'est un stade couvert, fait que Je verrais pas pourquoi. Non, on va jouer sur le on va jouer sur le carreau du baseball. Bon, mais il y a déjà eu des matchs au St. Rogers, je pense. Je sais pas, il faudrait fouiller l'information, je suis pas certain. Peut-être, oui. Oui, effectivement. Donc, écoute, là, après ça, tu as parlé d'après les fêtes. Il y a les États-Unis, mais il y a deux matchs en Amérique centrale. Historiquement, ça a l'air qu'apparemment qu'en Amérique centrale, le Canada, ça n'a jamais été très fort. L'objectif de John Lurkman, ça va être certainement être des matchs nuls. Ça sera pas facile, Danny, parce que Colin, le Panama, le Jamaïque, je crois, il n'y aura rien de facile pour le Canada. Quand tu regardes le calendrier, on arrive en janvier, le Canada, le 27 janvier, contre le Honduras, ce ne sera pas simple. Le 27 janvier, c'est là que le match va se jouer. Par la suite, le 30 janvier, on reçoit les États-Unis. C'est pas annoncé, comme on a dit tantôt, le match. Il y aura un autre match le 2 février, donc une autre série de trois matchs. On retourne au Salvador. Donc, Honduras, au Canada, et on retourne au Salvador. Donc, ça va être... c'est là que ça va se passer, Danny. J'ai hâte de voir tout ça, puis il n'y a rien de gagné, là. Même si on est en première position, il reste encore un gros six matchs, et il n'y a rien de fin encore. Ouais. Par la suite, on va se retrouver au mois de mars, au Costa Rica. Donc, Danny, on pourrait peut-être se payer un petit voyage au Costa Rica, ouais. Là, ça pourrait être intéressant. Et à la fin mars, le Canada recevra la Jamaïque. Ouais. Et il y aura une autre série de trois matchs, et on retournera au Panama pour le dernier match. Moi, je pense que, Danny, le Canada, enfin, pour une deuxième fois de son histoire, se qualifiera pour la Coupe du Monde. Objectivement, puis ben, le pire est fait, là. Puis écoute, t'as battu le Mexique deux fois. Ben, t'as une nulle au Mexique. Après ça, t'as battu le Mexique. Là, honnêtement, je pense que le pire est fait, là. Oui, le pire est fait, mais comme je te dis, les matchs en Amérique centrale devront être à surveiller. Hein? Ouais. Ils vont être à surveiller, il n'y aura rien de facile. Moi, j'y crois, mais à voir là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Tu sais, Danny, je regardais un petit peu rapidement. On sait que le Canada a participé une fois à la Coupe du Monde en 86. Mais Danny, il y a une chose là-dedans. C'est qu'en 86, le Canada y a participé parce qu'à quelque part, c'était au Mexique. Le Mexique était qualifié d'office. Donc, ça l'a permis au Canada de se tailler une place par la bande. C'est grâce un peu à ça que le Canada s'est retrouvé à la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Donc, on avait joué contre l'Union soviétique, la France et la Hongrie. Moi, je me rappelle du match contre la... Ben, on va en parler d'ailleurs avec Francis Millien. Francis Millien qui était analyste pour Radio-Canada lors de ces matchs-là. Il va nous comparer l'édition 2021 à l'édition 86. Mais de ce que je sais... c'est qu'il n'y a aucune comparaison. Tu avais des joueurs qui, en 86, qui jouaient dans la NASL. Il n'y avait personne qui jouait en Europe. Et là, t'as des Alfonso Davies, t'as des Jonathan David, des joueurs qui sont vraiment dominants, là, qui jouent en Europe. C'est ça, mais le football international a changé beaucoup. Mais tu lui poseras la question, Danny, en 86, le fait que c'était au Mexique, ça l'a sûrement permis de donner une chance au Canada de se qualifier plus facilement. Ça, c'est clair à ce moment-là. Et ça, c'est notre seule participation de l'histoire, Danny. Ouais, et c'était au Mexique. Donc là, il faut penser que le pays Canada a changé au fil du temps, Danny. Aujourd'hui, quand tu regardes la sélection canadienne, beaucoup sont d'origine africaine. Donc, notre pays a beaucoup d'Africains, a beaucoup de Marocains, a beaucoup de Sud-Américains. Donc, ça a permis, et le football s'est développé, le soccer s'est développé partout au pays. Et c'est un peu grâce à ça, parce que hier, sur le terrain, je regardais le 11 partant. Si on fouillerait l'origine de chacun. Plus de profondeur, mais il y a beaucoup d'origine africaine dans Alfonso Davis, c'est un gars qui vient d'origine africaine. Donc, on a beaucoup de ça. C'est des Canadiens, mais notre pays, c'est un peu comme la France maintenant. L'Angleterre ressemble à ça un peu aussi. On ressemble à ces pays-là. Donc, il faut mettre ça en évidence aussi. Ça a un rapport au bout du compte. OK. On va parler maintenant, puisque je vais t'entrever rapidement, l'Italie. Fais-moi le tour de ce qui s'est passé en Europe. Et ce que je sais un matin, c'est que l'Italie est menacée de parler à la Coupe du Monde, doit jouer un match de barrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, à l'Euro, il y avait 30 matchs consécutifs sans défaite. Qu'est-ce qui s'est passé pour être menacé de même? Ben, Danny, à un moment donné, il était dû pour en perdre une. Ouais. Okay. Il était dû pour en perdre une, mais dans l'Italie, il y avait l'équipe, il y avait la sélection de la Suisse qui était là. La Suisse, rappelons-nous, Ils ont battu la France en quart de huitième ou en quart de finale, à huitième de finale à l'Euro. Donc, ils se sont retrouvés ensemble, Italie et Suisse. Ça s'est terminé, je crois, au tir au but. Donc, c'est les matchs italiens, et les Italiens n'ont pas nécessairement une grosse attaque. Et là, quand on regarde un peu le classement, les Italiens et les Suisses, on se retrouve avec les Suisses ont 5 victoires, 3 nuls, et les Italiens, 4 victoires, 4 nuls. Donc, les Italiens n'ont pas été capables d'aller battre les Suisses. Deux résultats nuls de 1-1 et 0-0. Et ça fait en sorte que la Suisse va chercher 2 points d'avance. C'est ça l'histoire. Les Italiens sont allés échapper des matchs nuls. Ils sont allés faire des matchs nuls qu'ils n'auraient pas dû. C'est pour ça qu'ils terminent deuxième. Parce qu'il faut savoir, Danny, qu'en Europe, les premiers de chaque groupe sortaient, okay? Et les deuxièmes de chaque groupe se retrouvent maintenant en match de barrage. Ça va être intéressant de suivre ça au mois de mars prochain, février-mars prochain. Okay. Là, ça va être juste un match. Ça va être assez spécial parce qu'il reste 3 places. Je vais te donner les équipes là, qui sont... la Russie là-dedans, je pense. Hein? Le Portugal de Cristiano Ronaldo, Danny. Ça pourrait arriver qu'on ait un Portugal-Italie, imagine-toi. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait une de ces deux sélections-là qui ne serait pas au Mondial 2022. Donc, à voir, puis j'espère qu'on va voir ces deux sélections-là, mais ça va dépendre du tirage au sort qui va se faire bientôt, là, dans les prochaines semaines. J'ai pas la date exacte. Le Portugal a échappé des matchs contre la Serbie. C'est la Serbie qui a passé dans ce groupe-là. Donc, okay. À voir. T'as aussi la Suède, Danny, qui a perdu en quart de finale en Russie. J'ai vu le match contre l'Angleterre, ils avaient perdu. Les Suédois ont été devancés par les Espagnols. Les Espagnols étaient favoris dans ce groupe-là. Donc, la Suède va être à surveiller. C'est une belle sélection. Et il faut savoir que la Suède, Zlatan a fait un grand retour en sélection. Mais je pense que Zlatan, je suis pas sûr que c'est un beau move qu'il soit revenu. Parce qu'en 2018, il était pas là. Les Suédois s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. Et rappelle-toi, en 2018, les Italiens n'avaient pas participé à la Coupe du Monde parce qu'ils avaient été battus en match de barrage, justement, contre les Suédois. Donc, à voir. Okay. T'as l'Ukraine qui est là aussi, t'as les Pays de Galles, t'as l'Écosse, t'as la Turquie, t'as la Russie que t'as mentionné qui va être tannante aussi. Donc, on va avoir de bons barrages. Et t'as la Pologne avec Lewandowski, un des meilleurs attaquants du monde pour le présentement, qui vont être là dans les matchs de barrage. Ça va être très intéressant. Et la dernière sélection, l'équipe surprise, l'équipe cendrillon du groupe J, ils ont battu les Allemands, la Macédoine du Nord. Ils pourraient être très surprenants en match de barrage. J'ai hâte de voir ça. Donc, dans le continent, là, Europe, on va avoir toutes que des barrages, Danny. Et j'aime saluer le retour des Pays-Bas à la Coupe du Monde qui se sont qualifiés hier avec une victoire contre la Norvège. Les Pays-Bas sont une très belle sélection aussi. OK. Et en Afrique, rapidement, parce que David Côté est en attente, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Je sais que le Congo est passé. Ben, le Congo, il y a une histoire de carton, là, l'histoire. Ouais. Il y a une histoire de changement. Je sais pas si on va avoir de quoi là-dessus, mais c'est pas le Congo que je veux te parler nécessairement, mais au niveau de l'Afrique, t'as le Cameroun, la grande surprise hier qui a battu la Côte d'Ivoire. C'est surtout le gros match. Et si on va dans les équipes, dans les barrages, t'as l'Algérie qui est là, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, l'Égypte, le Ghana, Sénégal, Maroc, Congo. Ça, c'est les barragistes. On va sortir 5 équipes là-dedans. Juste 5 sélections là qui ont des chances d'aller au Qatar. Donc il va y avoir un tirage au sort pour les barrages. Et pour terminer, Daniel, en Amérique du Sud, tu as le Brésil et l'Argentine présentement qui sont qualifiés d'office là, dans le continent sud-américain. Donc les deux grosses nations sud-américaines seront présentes avec Neymar et Messi. Et en Asie qu'on reparlera peut-être à un autre moment donné, Daniel. Oui, effectivement, parce que j'ai mon invité en ligne. Benoît, on s'en reparle très, très rapidement. Yes, merci. Benoît Lavoie d'Espace Soccer.